Nous étions trois capitaines, tous les trois frères jumeaux. Nous entrâmes dans une auberge pour y boire du vin nouveau. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est. Nous entrâmes dans une auberge pour y boire du vin nouveau. La maîtresse de l'auberge nous a dit de monter là-haut. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est. La maîtresse de l'auberge nous a dit de monter là-haut. Il y a là trois jolies filles qui préparent des pâtés chauds. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est. C'est moi qui étais le plus goinfre, j'en ai pris le meilleur morceau. Quand on est sorti de l'auberge, je pouvais pas payer l'écho. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est. Quand on est sorti de l'auberge, je pouvais pas payer l'écho. Ils m'ont vendu ma casquette, ma culotte et mon paletot. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est. Ils m'ont vendu ma casquette, ma culotte et mon paletot. Ils m'ont mis en queue de chemise, à cheval sur un tonneau. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est. Ils m'ont mis en queue de chemise, à cheval sur un tonneau. Il faisait un froid du diable, ça m'a gelé les gorlots. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est.